À voix nue, aujourd'hui, quatrième volet de cette série un peu particulière puisqu'elle est constituée d'archives de Louis-Ferdinand Céline, rassemblées et présentées par Mathieu Garrigou-Lagrange dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. On l'a entendu toute cette semaine, Céline aime colporter une légende de lui-même. Il serait traqué, méprisé, incompris, et surtout les hommes lui voudraient du mal. Mieux vaut, nous dit l'écrivain, rester enfermé dans ce pavillon de Meudon, au rez-de-chaussée uniquement d'ailleurs, pour laisser les étages à sa femme Lucette et ses cours de danse. Surtout, surtout, ne voir personne. Or, depuis lundi, on a pu se rendre compte que, bien au contraire, Céline n'était pas toujours mécontent d'avoir un peu de visite et de donner quelques interviews. Aussi, quand deux étudiants du centre audiovisuel de l'école normale de Saint-Cloud, Jacques Daribehaud et Jean Guénaud, le sollicitent, il accepte bien volontiers d'être enregistré. Cela se passera comme toujours chez lui, le samedi 6 février 1960, entre 16h et 18h. Mais les piles du magnétophone sont fatiguées et de nombreux passages demeureront inaudibles. Heureusement, ici à Radio France, il y a des personnes dont c'est le métier de restaurer ce genre de bande, et c'est donc grâce à Jean-Marc Potry que vous allez pouvoir entendre la première partie de ces entretiens. Un peu de contexte, en février 1960, il reste à Céline 17 mois à vivre. Sa réputation est entachée par son antisémitisme et sa condamnation pour collaboration à un an de prison, qu'il a déjà effectué au Danemark au moment de la sentence. Aussi, depuis la sortie d'Un château l'autre, en 1957, Céline a-t-il donné quelques entretiens afin de se reconstruire une image de victime, lui qui rencontrait la presse écrite avec parcimonie et à peu près jamais les médias audiovisuels. L'enregistrement d'aujourd'hui est le dernier de Céline avant sa mort. Son discours reprend sa rhétorique habituelle avec cependant des accents moins systématiquement acerbes, comme s'il se permettait, avec ses deux particuliers, un ton plus détendu qu'avec les journalistes. Il se sent donc en confiance et exagère, la pauvreté de son enfance notamment. Et les intervieweurs ne cherchent pas particulièrement à le contredire, vous l'entendrez, mais ils ont expliqué, en 1993, que s'ils avaient mieux connu la biographie de Céline à l'époque, eh bien ils auraient posé des questions moins naïves. L'enregistrement n'en reste pas moins particulièrement intéressant, car Céline n'est pas sur ses gardes face à ses deux étudiants, et on a l'impression d'une rencontre directe avec l'écrivain. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un premier choc, d'un premier emballement littéraire? Ah, jamais, non. Jamais. Non, moi j'ai commencé dans la médecine et je voulais de la médecine. Je voulais certainement pas de littérature. Au nom de Dieu, non. Ça, c'est le dernier truc que je sens. Mais dans vos lectures, rien ne... Si, il y a des gens qui sont pareils doués. Ah, ça, j'ai bien vu. J'ai vu ça dans toujours les mêmes. Paul Morand, dans Ramuse. Et dans Barbus, j'ai des types qui étaient doués pour, qui étaient faits pour. C'est ça, oui. Et les autres, je ne vois jamais faits pour. Oui. Je vois des types qui sont... Dans votre enfance, vous n'imaginiez pas... Oh, pas du tout. Oh, non, j'avais l'admiration énorme pour les médecins. Ah, ça me paraissait extraordinaire. Oui. C'est la médecine qui me passionnait. Mais c'était parce que vous connaissiez un médecin ou... Non, il allait voir venir à la maison, je trouvais ça étonnant. Ça représentait un médecin dans votre enfance? Ben, un bonhomme qui n'a pas sa choiselle, qui venait, ma mère malade ou mon père. Ben, je voyais un type miraculeux, moi, qui guérit les douleurs, puis qui fait des choses étonnantes avec un corps qui n'a pas envie de marcher. Ben, je trouvais ça joliment épatant, ça me bluffait. Je trouvais ça grave d'abord, il avait l'air très savant, enfin, je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça absolument un magicien, un grand respect. Ben. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, un médecin? Bon, maintenant, il est tellement malmené par le cadre social que il est concurrencé par tout le monde. Il n'a plus de prestige. Il n'a plus de prestige, c'est-à-dire que depuis qu'il a abandonné, depuis qu'il est habillé en garagiste, ben un peu à peu, il fait garagiste, quoi. Il n'a plus grand chose à dire, la bonne femme a la rousse médicale. Et puis les maladies ont perdu elles-mêmes de leur prestige, il y en a moins. Alors, regardez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de vérole, il n'y a plus de chaud de pisse, il n'y a plus de typhoïde, il n'y a plus. Les antibiotiques ont déjà pris une grande part de la tragédie médicale. Alors il n'y a plus de peste, il n'y a plus de choléra, il n'y a plus... le voile il tombe à un degré de... C'est-à-dire, ça s'est transformé maintenant, il y a des maladies nerveuses, mentales, et puis... Alors là, on ne peut rien du tout. Vous croyez pas? Ah, rien, alors là, les armes... Le malade doit se guérir soi-même ou crever à ce moment-là. On ne croit pas souvent de maladies nerveuses, on emmerde tout le monde, ah, oui. Je l'entends. Mais il n'y a pas, on ne craint pas beaucoup. Non, il y a peut-être des folies qui tuent, mais il y en a peu. Des petits fous, il y en a plein à Paris. Mais, est-ce que vous croyez que c'est la vie parisienne qui fabrique ces petits fous, les conditions oui, de vie? Oui, il y a une disposition personnelle à rechercher les excitations. Mais évidemment, toutes les paires de fesses qu'on voit à travers la ville font flamber l'instinct génésique à un point, n'est-ce pas, qu'on rendra dingue tous les pensionnats, n'est-ce pas, mais... Quand vous étiez chez Ford, est-ce que vous avez eu le sentiment que la vie qu'on imposait aux gens qui étaient là risquait d'amener les troubles mentaux? Oh, pas du tout. Non, il y avait des dingues, même beaucoup de dingues. J'avais un médecin-chef chez Ford, il me disait, les malades sont préférables, ils sont plus attachés à l'usine que les gens bien portables, ils sont toujours en train de filer. Tandis que les gens malades restent très bien à leur boulot. C'est une... Non, pas du tout, non. Non, c'est pas du... Oh, bah, c'est comme si Renault en face, que je... Non, ça, c'est une bonne raison. Mais, non, je ne crois pas. Le problème humain, maintenant, c'est pas la médecine... Oui, oh, les bonnes femmes... J'ai des femmes qui sont de consultants. Elles vont toujours demander... La femme est très tracassée parce qu'elle a évidemment... toute espèce de faiblesse que vous connaissez. Et elle a besoin de... Elle veut rester jeune, et puis... Elle a sa ménopause, ses règles, tout ça. Il y a tout le bazar génital là, qui est très délicat, qui en fait une martyre, n'est-ce pas? Alors, cette martyre, elle vit quand même, alors... Elle saigne pas, je dirais. Elle va chercher le médecin, elle se fait opérer, pas opérer, réopérer, contre-opérer. Puis elle accouche entre-temps, elle se déforme. Alors ça fait beaucoup. Elle veut rester jeune, elle veut conserver sa ligne, enfin, une phobie. Elle ne veut rien foutre, elle ne peut rien foutre. Elle n'a pas de muscles, etc. C'est un problème immense, n'est-ce pas? Et qui n'est pas. Qui est mal reconnu, qui nourrit les instituts de beauté, les charlatans et les pharmaciens. Ça ne présente pas un intérêt médical quelconque. C'est la chute des femmes. Évidemment. C'est la rose qui s'étiole. On ne peut pas dire que ce soit un problème médical, ni un problème d'agriculture. Dans un jardin, quand on voit la rose flétrir, ben, on en pense en partie. Hein. On dit qu'il en viendra une autre. Tandis que chez la femme, on dit ah, mais non, elle va pas mourir, elle va revenir, elle va faire un beau bouquet, mais elle va pas. Voilà. C'est la partie emmerdante. Moi, je connais bien ce problème-là parce que j'ai passé ma vie dans les lanceuses. Bah, évidemment, il faut comprendre qu'il y a un problème de mise en condition d'une. C'est une condition d'une femme. Bah, la femme n'est pas douée musculairement. C'est nous. Nous sommes plus. Allez là. Nous sommes plus musculaires que la femme. Il faut que la femme s'entretienne, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'aime pas ça. Alors, bon, ça fait la routine médicale, ça fait gagner sa vie au médecin. Mais de vraies maladies, il en voit très peu. Les jeunes étudiants ne voient plus de maladies que moi je voyais dans mon enfant. Ils ne voient même plus de cadavres. Vous avez débuté dans la vie tout autrement, semble-t-il, d'après... Ah oui, j'ai commencé pour... On voulait faire de moi un acheteur, un vendeur de grands magasins, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est tout, mais, ah, bah, mes parents n'avaient pas les moyens. J'ai commencé dans la misère et je finis comme tel, d'ailleurs. Quelles étaient les habitudes, le style de vie du petit commerce aux environs de 1900? Féroce. En ce sens qu'on avait à peine de quoi bouffer, et il fallait faire figure. Ah oui. C'est-à-dire que, par exemple, nous avions deux vitrines au passage Choiseul, mais il y avait toujours une d'allumée et pas l'autre, parce qu'il n'y avait rien dans l'autre. Et puis il fallait laver le passage avant de partir au bureau de mon père. C'était pas drôle. Et puis, enfin, ma mère avait des boucles d'oreilles, on les a toujours portées au monde-piété à la fin du mois pour faire le, pour payer le gaz, quoi, n'est-ce pas? Oh non, c'était abominable. Vous avez vécu longtemps au passage? Mais 18 ans. 18 ans. Jusqu'à ce que je m'engage. Le personnage de l'oncle Édouard que vous présentez... Ah oui, oh, ben, je l'ai embelli. Dans Mort à Crédit. Oh, je l'ai arrangé un peu. Je l'ai arrangé, oui, mais il a été sous l'influence de sa femme plus tard. Mais il n'y avait rien. C'était la misère. C'était la misère, un peu dur que la misère, parce que la misère, peut se laisser aller, vautrer, sous les... C'est la misère qui se tient, n'est-ce pas? C'est la misère digne, n'est-ce pas? Alors ça, c'est affreux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai mangé, moi, toute ma vie, j'ai mangé des nouilles. Parce que, n'est-ce pas, la nouille... Non, vous n'avez pas l'argent? Oui, docteur. Bon, très bien. La nouille, ma mère réparait les dentelles anciennes. Alors dans les dentelles anciennes, on sait qu'il y a une chose, c'est que l'odeur se fixe sur la dentelle, toujours. Oui. Alors pour livrer la dentelle, on peut pas livrer la dentelle, qui a une odeur. Alors qu'est-ce qui me fait pas d'odeur? La nouille. Alors j'ai bouffé des lessiveuses de nouilles, elle la faisait par lessiveuse, ma mère. Alors on bouffait des nouilles. J'ai bouffé des nouilles, allô. Ah oui, toute ma jeunesse, les nouilles et la panade. Ça fait pas d'odeur. Et comme vous savez, là, c'est en le passage Choiseul, le premier étage, il y a la cuisine, elle est grande comme l'armoire. Mais alors, elle est au premier étage, alors on monte par un petit tire-bouchon comme ça. Et puis alors, faut monter sans cesse pour voir si ça cuit, si ça boue, si ça boue pas. Alors, on peut pas. Ma mère était infirme, mais une jambe ne marchait pas. Alors, fallait monter ce petit tire-bouchon d'escalier. Alors, on le montait 25 fois par jour. Donc c'était une vie impossible. Puis mon père était dans les écritures. Alors, il rentrait à 5 heures. Il fallait faire la livraison. Oh non, c'était une misère. Oui, une misère digne, évidemment. Et cette dureté d'être pauvre, est-ce que vous l'avez senti aussi quand vous êtes allé à l'école? Oh oui. Ah ben non, à l'école, nous n'étions pas riches. C'était à l'école communale, n'est-ce pas? Alors là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de complexe, il n'y avait pas beaucoup de complexe d'infériorité. Ils étaient tous comme moi, des petits miteux. C'est vrai, non, de ce côté-là, il n'y avait pas de gens riches. On les connaissait, les riches, il y avait quelques gens riches, mais il y en avait deux ou trois. On les révérait. Mes parents m'indiquaient que ces gens-là étaient des gens qui avaient de la fortune, des prud'hommes, quelques marchands de draps du quartier. C'était fourvoyé là. Mais on les connaissait, on les connaissait avec révérence, parce qu'enfin, à cette époque-là, on révérait l'homme riche pour sa richesse. On révérait l'homme riche, on le trouvait intelligent, en même temps, oui, savant. Et à partir de quel moment et de quelle façon avez-vous pris conscience alors de l'injustice que cela représentait, du caractère inacceptable, en somme, de cette société? Eh bien, je dois avouer, très tard. Très tard. Très tard, oui, je dois avouer, très pendant tard. Pendant la guerre, après la guerre? Non, quand j'étais... Oui, je dois avouer, après la guerre. Oui. Oui, quand j'ai vu... c'est venu, vous savez, avec les mercantis, comme on l'appelait alors. C'est ça. C'est-à-dire que les embusqués qui gagnaient du pognon, oui, pendant que les autres crevaient. C'était la première figure qui était inattaquable, oui, on voyait. Oui. Et puis après, quand j'étais à la Sous-Nation, alors là, j'étais fixé. Alors j'ai vu vraiment que... Le monde était gouverné par le bœuf, par maman, n'est-ce pas ça? Ah, oui, ah, pas d'histoire, là, alors, non, implacablement, alors là, j'ai vu, c'est surtout, ça m'est venu tard, moi, là, la conscience sociale, oui, je l'avais pas, j'étais résigné. Vous acceptiez? L'univers dans lequel baignaient vos parents, c'était celui d'une acceptation. C'était celui de l'acceptation frénétique. Ma mère me disait toute la journée, petit malheureux, si tu n'avais pas les gens riches, moi j'avais déjà des petites idées comme ça. Si nous n'avions pas les gens riches, nous n'aurions pas à manger, n'est-ce pas? Les gens riches ont des responsabilités. Ma mère révérait les gens riches, n'est-ce pas? Alors moi, madame, j'en prends de la graine, n'est-ce pas? Ça n'était pas très convaincu, n'est-ce pas? Oui, non, mais enfin, je me contentais de ne pas être convaincu, mais je n'osais pas avoir une opinion. Oui. C'est un... Non, non. C'est ce qu'il y a de frappant dans cette génération, dans cette époque, la manière dont les pauvres gens acceptaient humblement leur sort. Vous savez, les jeunes de maintenant, ils n'acceptent pas leur sort comme ça. Ils le sentent tout de suite, d'ailleurs, tenez, dans des petits signes. C'est pas les lessiveuses de nouilles, mais c'est les vêtements. Oui. Ils veulent pas être habillés autrement que les autres. Il n'y a pas de différence dans le vêtement entre les petits pauvres et les petits riches. Il n'y en a pas entre les paysans et les ouvriers. J'ai vu ça dans les photos. Il y en avait, il y avait sans doute une différence de vêtements entre les gens pauvres et les gens riches. Oh non, très marquée. Est-ce que vous l'avez senti quand vous étiez adolescent? Ah oui, parce que par exemple, ma mère qui était dans la dentelle jusqu'au cou n'aurait jamais mis une de dentelle sur elle, c'était pour les clientes. Jamais. Jamais, ça ne se faisait pas, ça, n'est-ce pas, un article. Le bijoutier même ne mettait pas de bijoux, n'est-ce pas, non, la bijoutière ne mettait pas de bijoux. Vous avez travaillé chez un bijoutier? Mais je comprends, j'étais coursier là-dedans, mais chez beaucoup de bijoutiers, chez Robert le Royal et chez la cloche rue de la Paix. Et la comment Gorloge, la famille Gorloge. Ah oui, et chez Wagner, rue Vieille du Temple, et comment j'étais là-dedans? Jusqu'à la gauche, ça consistait à porter des marmottes et puis d'aller... c'est des marmottes, c'est une grosse caisse en cuir dans lesquelles on mettait les modèles. Les modèles étaient en plomb, inutile de vous dire. Alors on portait la marmotte de maison en maison. Et nous faisions de la rue du Temple à l'opéra, parce que c'était trop chic touriste. Alors on faisait toutes les bijouteries du boulevard avec la marmotte. Et on se retrouvait, tous les placiers se retrouvaient sur les marches de l'ambigu, vous savez, les marches qui descendent là. Il y a les marches sur l'ambigu. On se retrouvait tous là, et on avait mal aux pieds, parce que les chaussures, j'ai toujours eu mal aux pieds, moi, parce qu'on ne changeait pas de chaussures souvent. Hein. Alors, les ongles étaient tordus, ils étaient encore tordus, nom de Dieu, à cause de ça, on n'était pas... On faisait ce qu'on pouvait, quoi. Les chaussures étaient trop petites, on grandit, quoi. Ah oui, oh là là. Votre mère a eu beaucoup d'influence sur vous. Ma mère, j'ai son caractère, beaucoup plus qu'autre chose. Elle était d'une dureté, elle était impossible, cette femme. Je veux dire qu'elle était d'un tempérament comme moi. Je ne sais pas de la vie, quoi. Oui. Pas du tout. Elle était angoissée, inquiète. Toujours inquiète, toujours en travail. Oui. Elle a travaillé jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et comment est-ce qu'elle vous appelait? Elle vous appelait Ferdinand? Non, Louis. Louis. Oui. Cependant, en dépit de ces conditions d'existence difficiles, du fait que le commerce ne rapportait rien, elle s'accrochait à ça. Elle ne voyait pas d'autres possibilités. Bah, elle n'avait pas d'autres, n'est-ce pas? C'est ça, elle avait ça, c'est tout. Elle avait que ça. Oh, ça devenait abominable. Mais cependant, et en plus, elle continuait d'envisager ça pour vous. Moi, elle me voulait dans un grand magasin, à l'hôtel de ville, au Louvre. Oui, mais enfin, c'était quand même... Acheteur, c'est ça. Vous avez failli être acheteur au bazar de l'hôtel de ville. Ah oui, ça c'était pour elle. C'était l'idéal pour elle. C'est ça, ça aurait été la promotion supérieure. Ah, supérieure, elle disait ça. Et mon père le pensait aussi. Ah, il le pensait. Parce que lui, il avait réussi si mal dans la licence. Il était licencié à SLEP. Oui, et mon grand-père agrégé. Oui. Alors... Alors, n'est-ce pas, ils avaient réussi si mal, n'est-ce pas, qu'ils disaient, et lui, il réussira dans le commerce, n'est-ce pas, et alors, moi, j'ai... Mais l'enseignement, pourtant, lui aurait permis de vivre certainement beaucoup mieux que qu'il vivait dans les Écritures. Mais oui, le pauvre, mais voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'il passe une licence enseignement. Oui, ah oui. Alors, il avait une licence libre, en fait. Libre, oui. Il n'avait pas encore ça. Il n'a jamais pu parce qu'il n'avait pas d'argent. Ah oui. Le père est mort. Oui, bien sûr. Il a abandonné la femme avec 5 enfants. Alors, elle s'est fait ruiner immédiatement. Et votre père est mort tard Il est mort. Le pauvre homme est mort. Il est mort quand sortait le voyage. Il est mort par conséquent. En 32. Il est mort en 32. Il est mort en même temps. Avant que vous ne l'ayez publié, alors il y a juste à ce moment-là. Oui. Il n'aurait pas aimé d'ailleurs, parce qu'il était jaloux en plus. C'est ça. Oui, il était pas susceptible. Oui, oui. Non, mais il n'aurait pas apprécié que vous réussissiez. Oh, du tout. Pour... Surtout dans ce machin-là, oh non. Oui. Puis il ne me voyait pas du tout écrivain. Et moi non plus. Alors on était d'accord, pour moi, sur un point. Oui. Et votre mère, elle, comment a-t-elle réagi devant vos succès? Elle, horrible, elle trouvait ça dangereux et méchant et que ça faisait des histoires. Ah oui. M'embarquait dans ça. Ça continuait de l'inquiéter. Ah, je comprends, mais il y avait de quoi. Oui. Elle dit, une histoire qui va se terminer très mal. C'est ça. Mais, oui, elle avait l'esprit très prudent. Elle lisait vos livres? On ne pouvait pas, c'était pas sa porte. Je leur ai paru grossier, puis elle disait pas lire, c'est pas une femme à lire des livres. Ouais. Non, pour m'essayer. Non. Oui, alors ça l'inquiétait plutôt qu'autre chose. Oh oui. Elle n'avait aucune vanité, aucun rien du tout. Et elle a continué de travailler jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. J'étais en prison, j'ai appris sa mort, je sentais pas. Non, j'arrivais à Copenhague quand j'ai appris sa mort. Vous arriviez à Copenhague. Oui. Votre voyage, d'ailleurs, a dû se passer dans des conditions... Abominables. Ignobles, oui. Ça devait être terrible. À l'orchestration parfaite, oui. Abominable. Mais, évidemment... Mais il n'y a d'abominable que les choses d'un côté, n'oubliez pas. Hein. Non, ça je ne crois pas. Mais il n'y a qu'un côté, les gens qui sont... Non, la sensibilité actuelle est plus ouverte à ces choses-là. Ben, vous savez, l'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte, n'est-ce pas? Et évidemment, et incommunicable, donc il faut garder ça pour soi. Ah, tout de même. Mais il faut faire régler mon corps, il faut s'amuser. La seule chose plus possible, soyez drôle. Oui. Soyez drôle. Et pas de ronron. Mais ça, les Français, ils sont dans le ronron jusqu'au cou. Oui, ils sont un peu maniaques. Non, ils sont dans le ronron, c'est effrayant. Ils ne se voient pas la nécessité de changer tout le temps. Ils font des ponts d'or à des ronronneurs. Vous êtes un très grand baron. Le journal que je lis, un journal habituel, le Figaro, parce que je regarde la nécrologie, n'est-ce pas, mais c'est un long précis-préchat, de bout en bout. C'est exactement comme si j'étais à Saint-Sulpice, quand je sais pas. C'est un précis-préchat, ce qu'il faut faire, penser, ne pas penser. Et s'il vous plaît, vous devriez, voilà, la vérité est là. Et je vous prie, dans la mesure où, et ce donc que, n'est-ce pas? Et puis, je vous prie, il y a ceci qu'il ne doit pas être pensé. Oh, comment cette pensée est vite punaise? Oh, mais il me semble que... Enfin, vraiment, on est emmerdant, mais en crevé, n'est-ce pas? Ça, vous en tirez un agacement énorme, irrité, vous feriez ce journal, n'est-ce pas? Tellement il était seulement de pédantisme. C'est ça, mais c'est le classique français, ça. Ah oui, n'est-ce pas? On sait la vérité, alors on la connaît, on y met de temps en temps une fantaisie. Ah, une vraie fantaisie de très bon ton. Et puis on y ajoute une petite trouvaille. L'avez-vous trouvée, cette trouvaille? Ah, que c'est fin, c'est étonnant. Ah, quelle fine trouvaille. Oh, une petite acrostique, oh, une petite... Oh, une goupillote, oh, est-ce féminin? Oh, ah, toute la grâce féminine, c'est emmerdant à crever, ça sent le morceau. Non, dans la main de Stella fait le maximum, mais toutes d'ailleurs, mais tous et toutes, ils sont féminins et jésuitiques en crever une chose, et ils sont, c'est assommant. Il y a quelques, enfin il y avait une petite équipe qui avait essayé quand même de rompre avec ce rond là. Les surréalistes avaient essayé quelque chose dans ce sens. Bah oui, mais alors là, ils se défendent de toute tradition. Alors là, c'est impossible aussi, c'est trop prétentieux. Non, ça c'est pas... Je trouve ça trop prétentieux. Alors là, quand on dit... Bah, c'est l'école des messages, oui, ils manifestent. Alors là, merde. Ils en font toute la journée. Avance, là, on dit... Voilà comment il faut écrire un roman. On sait. Alors maintenant... Bah, s'y mettre. Oh, c'est assommant. Il y a tout, excepté là. C'est-à-dire qu'il y a tout, excepté le principal, ça consiste à mettre sa peau sur la table et voir ce qu'elle donne. Exactement. C'est là le problème. Rien n'est donné sauf la mort. Là, elle s'est inspirée. Et ils ont tous passé à travers. Parce que, n'est-ce pas... Mais la politique ou le marxisme à notre époque. Ah, oui. Oui, bien que le marxisme Non, il y a un certain sectarisme. Un certain sectarisme. Oui. Mais qui a tendance à s'atténuer quand même, vous savez. Je crois que ça va changer par la force des choses, ça. Le sectarisme, il a existé. Et donc, nous sommes emmerdés par une question de race. Non, on n'ose pas le dire encore, mais une question raciste, raciale qui se pose. Oui. C'est si on va pouvoir vivre ou pas vivre, parce qu'on va être tellement nombreux qu'on va plus bouffer. Voilà la grosse question qui se présente. Exactement, hein. C'est le problème démographique. Le problème démographique, c'est le problème de démographie. Les guerres, tout ce qui était résolu par les épidémies autrefois, tout le monde crevait. Mais maintenant, les épidémies, il n'y en a plus. On a vaincu ça. Alors maintenant, c'est le problème de bouffer. Pendant que nous parlons, il naît un Chinois toutes les secondes. Alors, bon, ça devient très grave. Alors, il faut donner à bouffer à tout le monde. Et au fond, n'est-ce pas, l'Asie a faim et l'Europe a peur. Voilà, pour l'histoire. Alors, évidemment qu'ils vont venir en Dordogne. Ben, les plus folles armées, les plus féroces Tamerlan possibles, quand ils arriveront à Cognac, ils seront ratissés, ils auront pris le goût du Cognac, et puis ils auront tellement bouffé, ils font la distinction. Les plus déterminés anthropophages, quand ils auront mangé du gigot à l'ail, n'est-ce pas, ils sont tapés, ils font des distinctions entre le mouton, le mouton de bord de mer, le mouton de l'intérieur, tout ça. Non, ils viennent raffiner. Ici, on est raffiné de la gueule, n'est-ce pas? Raffiné de la gueule. C'est ça, les Français, ils sont plus raffinés en rien que de la gueule. Ça de ce côté-là, ils sont les premiers, ça. C'est le propre des vieilles civilisations, d'ailleurs. La gueule, oui. C'est ce qui nous rapproche des Chinois, en réalité. Oui. Mais ils sont bouddhables, ils ont la gueule, ils ont un triple cul, ils ont un triple bide. Puis ils ont inventé l'auto, qui est magnifique pour promener des bouddhas, n'est-ce pas, si Bouddha avait une auto, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors, vous avez Khrouchtchev, il a un gros cul, n'est-ce pas, il vient partout, il a raconté des histoires, il se tient mal, n'est-ce pas, il a des gaudrioles de commis voyageurs, il trouve très forte, n'est-ce pas, qui ferait rougir Clément Vautel, enfin, il est stupide, n'est-ce pas, ben ça marche, moi je suis, un autre gros cul en face, qui répond à l'autre gros cul, c'est très vulgaire, n'est-ce pas, tout finira par la canaille, dit Nietzsche, nous y sommes. Voilà, et c'était À Voix Nue, avant-dernier volet de notre série d'archives sur Céline, rassemblée par Mathieu Garrigou-Lagrange et mise en onde par Jean-Claude Loiseau, attaché de production Claire Poinsignon, mixage Marie Le Peintre. Cette émission a été rendue possible grâce à un partenariat avec le département audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France. Elle est disponible en podcast sur notre site, n'hésitez pas à la télécharger. Demain, la suite de cet entretien restauré avec Jean Guénaud et Jacques Daribaude. Très bonne soirée à toutes et à tous, à l'écoute de France Culture.